Pardon, monsieur. Je suis journaliste à Pontoise Info. Vous avez un lieu préféré à Pontoise? Ah oui, un musée. J'aime beaucoup le musée Pissarro. Et pourquoi? Parce que j'adore la peinture impressionniste. Il y a beaucoup de tableaux de Pontoise et de la région. Excusez-moi, madame. C'est pour Pontoise Info. Vous avez un endroit préféré dans la ville? Ah oui, c'est le théâtre de l'Apostrophe. Et pourquoi? Parce qu'il y a toujours des spectacles très intéressants. Musique, danse, théâtre.